Ceci est la deuxième partie, examinant un sujet auquel la plupart d'entre nous préféraient ne pas penser. Le contrôle de la pensée. Le temps qui manque. Une série d'expériences conduites par la CIA pour trouver une méthode pour provoquer l'amnésie découvrit que des pulsations de micro-ondes pouvaient être utilisées pour surstimuler la production d'acétylcholine dans le cerveau, un neurotransmetteur associé à l'emmagasinage de la mémoire. Ce procédé était connu sous le nom de EDOM, entre parenthèses, dissolution électronique de la mémoire. Lorsqu'un sujet est exposé à ce signal, il ne peut tout simplement pas emmagasiner de la mémoire, et donc reste avec une période d'amnésie ou de temps manquant. Ils peuvent même être influencés à ne pas se souvenir de ces amnésies. D'après le livre The Mind Manipulators, Les manipulateurs de la pensée, par Alan W. Shefflin et Edward M. Upton Jr., publié en 1978, je cite « L'EDOM altère la perception du temps en émettant des ondes radio et des tonalités ultrasoniques qui, eux, agissent sur les produits chimiques qui agissent sur l'emmagasinage de la mémoire dans le cerveau. » Fin de la citation. Il semble même que cette technique puisse être utilisée pour effacer des souvenirs spécifiques des cerveaux d'individus qui ont été exposés à des informations hautement classifiées et qui quittent l'emploi d'agences gouvernementales qui travaillent avec des informations sensibles. Cette technique particulière me laisse songeur à propos de ces événements appelés « de temps qui manque » associés à de présumés enlèvements extraterrestres. Nous avons développé la technologie qui provoque des périodes d'amnésie dans nos propres laboratoires, et nous n'avons pas besoin d'intrus extraterrestres pour nous montrer comment le faire. Tout est dans la tête. Les opérations d'implants cérébraux, dont le blâme est si couramment placé sur les kidnappeurs extraterrestres, ont lieu partout sur notre planète depuis très longtemps. Et elles sont perpétrées par des humains. Des docteurs en Suède ont placé des transmetteurs cérébraux dans les têtes de patients anesthésiés sans leur consentement ou leur savoir depuis plus de 30 ans. Il existe des preuves que les hôpitaux de Söderjück West, Karolinska, Nacka et Sundsvall ont implanté des transmetteurs cérébraux sans la permission ni la connaissance de leurs patients durant plusieurs décennies. Les autorités suédoises nient l'existence de transmetteurs cérébraux et avisent les plaignants qu'ils risquent d'être internés dans des hôpitaux psychiatriques s'ils continuent de parler de ces appareils. En 1985, pourtant, une lettre fut écrite par des représentants de plusieurs groupes des droits de l'homme et des professionnels légaux et techniques, envoyée à l'attorney général du pays, puis référée au district attorney M. Overklagaren, qui détermina qu'une telle activité ne serait pas considérée comme un crime. Entre parenthèses, Overklagaren, dièse AD2, 76-85. Un manuel de 1968, intitulé « Télémétrie biomédicale », écrit par le docteur Stuart McKay, anciennement de l'Université de Californie à Berkeley, qui était utilisé par l'unité d'éducation de l'Institut de recherche de la défense suédoise, rapportait que, parmi les divers instruments de télémétrie disponibles aujourd'hui, il y a des transmetteurs miniatures qui peuvent être avalés, portés de façon externe ou implantés chirurgicalement sur des animaux ou des humains. Ils permettent l'étude simultanée du comportement et des fonctionnements physiologiques. La portée des observations est trop étendue pour plus qu'une allusion à quelques exemples. Les possibilités ne sont limitées que par l'imagination du chercheur. Le docteur José Delgado, un pionnier de la stimulation électronique du cerveau, entre parenthèses S et C, qui fut subventionné à travers des organisations de façade par le Bureau de recherche navale américain et par la CIA, déclarait dans son livre « Le contrôle physique de la pensée » 1969 que, je cite, « Les transmetteurs cérébraux peuvent demeurer dans le cerveau d'un sujet à vie. L'énergie qui actionne le transmetteur est transmise par des fréquences radio. Une des possibilités des transmetteurs cérébraux est d'influencer les gens afin qu'ils se conforment au système politique. Les fonctions autonomiques et somatiques, les comportements individuels et sociaux, les réactions émotionnelles et mentales peuvent être provoquées, maintenues, modifiées ou inhibées chez les animaux comme chez l'homme par la stimulation de structures cérébrales spécifiques. Le contrôle physique de plusieurs fonctions cérébrales est un fait établi. Il est même possible de suivre les intentions, le développement et le développement des pensées et des expériences visuelles. Fin de la citation. Les premiers implants étaient d'environ la taille d'un demi-filtre de cigarette. Mais de nouvelles versions peuvent être adaptées à des cristaux liquides, injectés directement dans le sang pour se loger dans le cerveau. La communication dans les deux sens avec les transmetteurs cérébraux est possible depuis les années 50, incluant des messages vocaux et des retours de pensée. D'autres armes de la Deuxième Guerre mondiale. Les armes qui, d'après Arlan Girard, sont utilisées dans des opérations secrètes de contrôle de la pensée, inclut un transmetteur qui transmet à la fréquence du système nerveux humain et qui, d'après lui, est manufacturé par l'Oral Electro-Optical Systems d'A Pasadena, Californie. L'Oral, un important contractant de la défense, avait précédemment conduit des recherches sur des armes à énergie dirigée pour le compte du lieutenant-général Leonard Pirutz de l'US Air Force, qui cherchait une arme pour implanter des messages dans le cerveau de l'ennemi et pour provoquer des réactions de courage surhumaines chez ses propres troupes. L'appareil emploie des radiations électromagnétiques, entre parenthèses EMR, de fréquence gigahertzienne, dans des tonalités ultra basses, entre parenthèses ELF. Elle est utilisée pour torturer les gens physiquement et mentalement, et à distance. Des armes de ce type ont supposément été utilisées contre les femmes britanniques qui protestaient contre la présence de missiles cruise américains sur la base aérienne commune de Greenham,

et qu'il critique les applications militaires et d'espionnage de ce type de recherche. Il a été démontré que des rayons d'énergie électromagnétique concentrés à ultra haute fréquence, entre parenthèses UHF, peuvent être utilisés pour provoquer une agitation et une activité considérables ou pour provoquer une faiblesse et une léthargie musculaire. Les micro-ondes peuvent aussi être utilisées pour brûler la peau humaine, augmenter les effets des drogues, des bactéries ou des poisons, ou affecter le fonctionnement de tout le cerveau. Ces effets ont tous été étudiés en profondeur par la CIA. Le 21 septembre 1977, en témoignant devant le sous-comité du Sénat sur la santé et la recherche scientifique, le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigea le programme MK-Ultra, fut forcé de discuter des aspects de la quête de la CIA pour trouver des techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques à distance. Dans un projet de recherche top secret financé par l'administration Reagan, au nom de code Opération Black Beauty, le docteur Michael Persinger, un physiologiste américain qui dirige le laboratoire de psychophysiologie environnementale à la Laurentian University de Sudbury, Ontario, fut chargé de développer une arme qui puisse être utilisée pour calmer rapidement des foules en colère. Il développa un appareil électromagnétique qui employait des champs de basse intensité à variation de temps pulsé à des registres de fréquences extrêmement basses à des fréquences entre 1 et 10 Hz. Apparemment, une personne se trouvant dans le champ de cet appareil trouvera un endroit spécifique de son cerveau inondé d'histamine, provoquant de crises incontrôlables et des vomissements. Est-ce là le genre d'activation que l'on peut vouloir atteindre? Des amis bas placés. Arlan Girard n'est pas étranger au contrôle de la pensée. Il déclare qu'il a lui-même été ciblé depuis 1983, après qu'une série d'événements l'apporta à l'attention de certains individus moins qu'agréables et néanmoins très puissants. Tout a commencé quand il fit quelques remarques négatives sur le genre de républicanisme de Ronald Reagan à l'ancien lieutenant-gouverneur d'Hawaï qu'il approcha en 1976 quand il travaillait en Australie pour amasser des fonds pour la campagne de réélection à long terme de Reagan. Il fit aussi valoir sa désapprobation face à l'éventualité qu'un ancien directeur de la CIA devienne président en réponse à une question relative à comment il voyait George Bush, de qui il ne savait pas grand-chose à ce moment, prendre la direction à la Maison-Blanche. Plus tard, quand Girard fit application à un poste de commissaire au Pacifique Sud, un poste de commerce qui est sous la juridiction de la Maison-Blanche, le bureau du président demanda de l'information concernant son passé. Dans sa réponse, Girard mentionna son contact avec l'ami hawaïen de Reagan, ayant oublié ses remarques passées et pensant que ce contact irait en sa faveur. James Baker, qui était responsable de choisir le candidat, appela l'ancien lieutenant-gouverneur d'Hawaï et résultat, ses remarques précédentes furent connues de Baker. Il découvrit plus tard que le gouverneur, comme Baker, était un proche ami de Reagan. Girard conclut que son téléphone fut mis sous écoute et son courrier ouvert routinièrement à partir de mars 1983, une fois que Baker décida qu'il n'était pas du bon côté. Autour de cette période, il prétend qu'une enquête fut entreprise sur lui, soit par le National Security Planning Group de George Bush, ou par une des organisations antiterroristes proactives dirigée par Oliver North à partir du sous-sol de la Maison Blanche. En 1983, Oliver North, que Reagan appelait « mon marine favori », était le lien entre le National Security Council et la FEMA, l'Agence fédérale de gérance des urgences, une organisation d'extrême droite responsable de coordonner les agences gouvernementales en période d'urgence nationale ou de troubles civils, aussi bien que de planifier un gouvernement de continuité. North passa son temps dans la FEMA à conduire des actions secrètes et à planifier le renversement de la Constitution américaine. On croit qu'il a aussi créé une division dans l'agence qui reçut la tâche de neutraliser les ennemis de la Maison Blanche. Le nom de code de ce programme est Dakota. Le mémo non daté suivant, préparé par le National Laboratory de Los Alamos, intitulé « Concept pour assister l'Agence fédérale de gérance des urgences dans ses missions », trace les grandes lignes de la recherche proposée pour enquêter sur les effets des radiations de micro-ondes sur les organismes mammifères, donnant encore plus de crédibilité aux allégations de Girard. Girard croit que la raison pour laquelle il devint une cible du contrôle de la pensée est que son profil correspondait à celui de John Hinckley Jr., l'homme qui tenta d'assassiner Ronald Reagan en mars 81. Lui aussi venait d'un foyer privilégié et, comme Girard, était éloigné de son père. Il semblerait évident que Hinckley désapprouvait les politiques de Reagan, bien qu'il y ait nombre de théories selon lesquelles le but de l'assassinat de Reagan était de donner la présidence à Bush plutôt qu'il n'en fut finalement. Après que la tentative eut échoué, Reagan rendit presque tous ses pouvoirs présidentiels de toute façon. Il n'était réellement qu'un acteur jouant le rôle d'un président. Girard habitait Los Angeles, pas très loin du ranch de Reagan, à Santa Barbara, au moment de l'enquête, ajoutant, il croit, à la spéculation concernant son potentiel de menace. Bien qu'il ne s'agisse que de coïncidences, il se peut que ça n'ait pas été vu de cet œil, car c'est autour de cette période que le traitement de contrôle de la pensée a commencé. Une idée de la naïveté des évaluations des menaces potentielles pour le président par la Maison Blanche effectuée après la tentative d'assassinat est mentionnée dans le livre de Bud Woodward, Veil, The Secret Wars of the CIA. Il rapporte qu'à des rapports sur les menaces à la vie du président que les agents et les analystes ne prenaient pas au sérieux et qui n'étaient généralement rien de plus que deux gars assis dans un bar disant qu'ils voudraient tirer sur Reagan. Le DCI William Casey répliquait « Je veux une équipe là-dessus ». En 1989, le FBI refusa à M. Girard l'accès à son propre dossier à cause qu'il est exempté de publication obligatoire sur la base de 5 USC.522, entre parenthèses B, entre parenthèses 1. Cette section du Code des États-Unis s'applique à des documents à être gardés secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la politique étrangère. Gérard n'a jamais eu une autorisation de sécurité ni appliqué à un poste qui en requérait, bien qu'il ait travaillé pour l'Air Force, de qui il avait obtenu des charges honorables en 1963. Que pouvait donc cacher le FBI? Gérard prétend qu'il a été exposé à de l'information hautement classifiée et extrêmement sensible lorsque ses entraîneurs ont essayé de lui parler pour l'inciter à commettre des meurtres ou au moins à se suicider. Certains contrôleurs inexpérimentés sont même entrés en communication directement avec son cerveau, relativement normalement, avant de commencer leur tirade continue d'abus, et certains lui ont même dit qu'il se pratiquait sur lui avant d'être envoyé dans des missions plus importantes. La charade démocratique. D'après Arlan Girard, l'équipement a aussi été utilisé pour influencer la politique de manière beaucoup plus directe. Il croit que Michael Dukakis, le candidat présidentiel démocrate opposé à George Bush lors des élections présidentielles de 1988, fut ciblé par la technologie des micro-ondes dans le but de gêner ses performances lors de discours publics, une fois que les sondages eurent démontré qu'il représentait une menace sérieuse pour Bush. Il prétend aussi que l'équipement fut utilisé contre Kitty Dukakis et l'accula presque au suicide. Dans le monde merveilleux de la politique américaine, un candidat présidentiel avec des problèmes comme cela va de toute évidence perdre la course à la Maison-Blanche. Gérard m'expliqua le scénario de cette façon. Je cite. Même si l'assassinat de Kennedy et le Watergate n'étaient pas des coups d'État, l'élection de 1988 l'était certainement. Fin de la citation. Il est vraisemblable que tous les trois furent en effet des coups et qu'ils aient été menés par le même gouvernement de facto. Les deux premiers sont les sujets de bien bons livres et d'encore plus de théories. Échec et mat. Est-ce que les déclarations personnelles de Girard, à l'effet d'avoir été la victime de contrôle de la pensée et de torture électromagnétique, semblent trop irréelles à la lumière du fait que de telles expérimentations ont réellement eu lieu? Il dit que le plus grand défaut de l'efficacité du traitement auquel il a été soumis réside dans l'évaluation simpliste de sa personnalité, déclarant, je cite, « Je ne suis pas meurtrier ni suicidaire. La CIA peuvent m'assassiner, mais je ne serai jamais l'automate de personne. » Fin de la citation. Nul doute que bien des individus n'auront pas la même capacité de résister ni la même force de persévérer. Quant à pourquoi il est encore en vie, dans les jours où il se rendit compte que la Maison Blanche ou la FEMA était en train d'essayer de le neutraliser, il commença à tenir un journal qui inclut les numéros des plaques d'immatriculation de nombreux véhicules associés à son traitement qui peuvent être retracés directement à la Maison Blanche. Il a fait circuler de nombreuses copies de ce journal pour sa propre protection. Il dit aussi qu'il y a l'horrible possibilité que le procédé de cette torture soit en lui-même gratifiant pour ceux qui l'appliquent et que pour cette raison, il préfère le garder en vie pour pouvoir continuer à le travailler plutôt que de s'en débarrasser. Il a été porté à croire, et il croit, que des rapports quotidiens sont préparés sur le progrès de la torture sur les êtres humains avec les armes ELF et que ces rapports sont disponibles aux sympathisants tordus à l'intérieur du gouvernement comme récompense pour leur patronage à des agences comme la CIA. Girard dit que des attentats ont aussi été tentés contre sa vie avec des armes conventionnelles. Il m'a dit que si j'étais incapable de le contacter dans le futur, je devrais m'adresser à ses avocats, car ils sont pleinement conscients de cette situation et qu'ils sauraient s'il est encore en un morceau. La Légion involontaire. Si les déclarations de Girard étaient les seules de cette nature, on pourrait sans risque trouver raison à les mettre en doute, mais elles ne le sont pas. Plusieurs individus, certains avec des profils très publics, croient être sujets de ces opérations de contrôle de la pensée, mais ils passent cela sous silence, de crainte que ça pourrait détruire leur crédibilité ou pire. D'autres, qui, dû au comportement antisocial qui amène leur cas à l'attention du public, sont perçus comme des fous ou des menteurs. Par exemple, le samedi 17 mars 1984, le San Francisco Chronicle publia un article intitulé « Incident près de la Maison Blanche, des déclarations bizarres d'un homme armé », dans lequel un fou solitaire meurtrier, supposément typique, qui fut arrêté près de la Maison Blanche, prétendait avoir reçu un implant de localisation télémétrie sous la forme d'un implant cristallin qui fonctionne comme une radio à cristaux. Il croyait que des commandes, lui intimant l'ordre de commettre des meurtres, lui parvenaient à travers cet appareil. Combien d'individus, ne connaissant pas les possibilités du contrôle de la pensée, ou le fait même que ce soit possible, pourraient croire de telles déclarations ? Un rapport similaire, paru dans le Miami Herald du lundi 24 mai 1984, dans un article intitulé « Pilote de drogue prétend être pris dans un complot de la CIA ». Ancien employé de la CIA de son propre aveu, le transporteur de drogue et d'armement James Petit prétendait être victime de contrôle de la pensée, avoir reçu un implant cristallin et savoir l'existence d'un plan de la CIA nommé Opération Boule de Cristal, qui était un complot pour prendre le contrôle du monde en utilisant le contrôle de la pensée. Un article subséquent dans le même journal, le 9 juin 1984, déclarait qu'une prise de rayon X n'avait pas permis de trouver l'implant. Pourtant, un autre article sur Petit, publié dans le National Examiner le 30 avril 1985, rapportait que des radiologues avaient détecté un objet étranger derrière son oreille gauche qui, avait-il conclu, n'avait aucune raison d'être là. L'article incluait une photographie au rayon X de la chose non identifiée. Petit prétendait que l'appareil avait été implanté alors qu'il était traité au centre des grands brûlés de l'Institut de l'armée américaine de recherche chirurgicale à San Antonio, Texas. Les docteurs de l'hôpital ont confirmé qu'il fut traité à cet endroit jusqu'au 2 juillet 1982. Ils croyaient que la CIA allait l'utiliser dans un plan pour tuer quelqu'un. Petit déclara, je cite, « Ce serait une bonne idée d'examiner Siran Siran, l'homme qui a tué Robert Kennedy, pour voir s'il a des implants. James Earl Ray, qui tua Martin Luther King, et John Hinckley, qui tira sur le président Reagan, devraient aussi être examinés. Fin de la citation. Les avocats de Petit ont confirmé qu'il avait travaillé pour la CIA, et cela fut aussi confirmé par un autre avocat qui représentait un co-accusé dans le procès d'une affaire de drogue. Petit prétend que tout l'incident faisait partie d'un programme bizarre de la CIA du nom d'opération « Boule de cristal » dont le but était de prendre le contrôle des systèmes politiques et judiciaires du monde par le contrôle de la pensée avant l'an 2000. Il prétendit même avoir trouvé des documents top secrets contenant des détails du programme dans une poubelle à Key West, en Floride, quelques 20 ans plus tôt. Traverser l'esprit. Dans son livre « Such Things Are Known »,« De telles choses sont connues », Dorothy Burdick, un nom de plume, afin de protéger sa réputation de professeur au Foothill College de Santa Clara, Californie, décrit son expérience personnelle en tant que sujet involontaire au contrôle de la pensée. Elle prétend avoir été la cible d'expériences de lecture de la pensée et de transmission de voix conduites par le Defense Advanced Research Project Agency, DARPA. Utilisant un superordinateur Cray, faisant fonctionner un programme complexe de reconnaissance de structure, l'agence était capable de lire les ondes cérébrales de Dorothy et d'insérer des pensées dans son cerveau plus vite qu'elle ne pouvait les traiter. Elle raconte que ses pensées étrangères lui venaient à l'esprit littéralement. Apparemment, quand on parle, les nerfs contrôlant les cordes vocales, la bouche et la langue sont activés en proportion des nombreuses directions et tensions vers lesquelles chaque muscle reçoit l'ordre de bouger. Ces structures ou motifs surviennent que les mots soient prononcés ou non. Le processus de la pensée requiert qu'on se parle à soi-même afin que l'esprit puisse fonctionner consciemment. Ceci s'appelle pensée subvocale. Essayez seulement de penser sans vous parler à vous-même si vous ne le croyez pas. Les motifs d'ondes cérébrales produits dans ce procédé neurologique peuvent apparemment être lus en utilisant une forme d'appareil de surveillance à distance et peuvent révéler toutes les pensées d'un individu. Le Los Angeles Times publia un article le 20 août 1992 intitulé « Des caméras qui captent des images de la pensée » qui déclare, je cite, « Des savants ont été capables de voir directement les procédés de pensée humaine, retraçant les motifs complexes de réactions chimiques et électriques à de petits amas de cellules cérébrales. Les chercheurs ont utilisé une caméra comparativement simple qui capte les différences subtiles trop petites pour être vues par l'œil humain dans la lumière réfléchie sur la surface du cerveau à mesure que la pensée est accomplie. Ils ont dit que le procédé va permettre de dresser une carte beaucoup plus précise des procédés de la pensée et des activités physiques d'endroits spécifiques du cerveau. Fin de la citation. William H. Theodore, un neurologue de l'Institut national des maladies neurologiques et des attaques, commenta. Je cite. C'est une technique très intéressante. L'avantage est que ça enregistre des changements très rapides des fonctions du cerveau. Je crois que cela va permettre aux chirurgiens de mieux déterminer les régions de la parole. Fin de la citation. Cette technique est maintenant du domaine public. Alors, serait-il vraiment surprenant que la DARPA, qui a dépensé des milliards de dollars à développer des super ordinateurs à traitement parallèle et sur de la recherche sur la reconnaissance de motifs pour l'utilisation éventuelle dans des avions de combat, ait découvert comment appliquer cette technologie à des opérations plus sinistres? Après tout, le mandat de cette agence est de développer des armes plus efficaces afin d'armer les industries américaines de défense et d'intelligence. La vraie guerre des étoiles. Des combinaisons de radiation électromagnétique et d'hypnose ont aussi été le sujet de recherches intensives. En 1974, le chercheur J.F. Chapitz dit de l'un de ses projets de recherche. Je cite. Dans cette enquête, il sera démontré que la parole de l'hypnotiseur peut aussi être transmise par de l'énergie électromagnétique modulée directement dans les parties subconscientes du cerveau humain, c'est-à-dire sans l'emploi d'appareils techniques pour recevoir ou décoder les messages et sans que le sujet visé n'ait le loisir de contrôler consciemment l'entrée de l'information. On peut s'attendre à ce qu'ils rationalisent leur comportement et qu'ils le considèrent comme venant de leur propre volonté. Fin de la citation. N'importe qui, enquêtant sur le soi-disant phénomène de channeling, phénomène de canalisation en français, serait sage de prendre en considération ce sujet de recherche. Il est intéressant de noter que le nombre de gens qui se considèrent des channelers est grimpé rapidement depuis que ce type de recherche est entrepris. Il est étrange de constater à quel point leurs messages sont similaires, sans égard à l'entité qu'ils prétendent être à la source de leur conseil divin. Je suggérerais à tout individu qui considère le contenu d'informations channelées d'être vigilant et d'évaluer de façon critique si le message reçu est bénéfique dans un sens non égoïste ou s'il servirait à évoquer des schémas de pensée qui serviraient le nouvel ordre mondial. Le Sydney Morning Herald publia un article le 21 mars 1983 qui ajoute du poids à cette hypothèse. L'article expliquait qu'un document intitulé « Les Soviets envahissent la pensée humaine » avait été présenté au journal par le docteur Nassim Abdelaziz Nevegi, assistant professeur à la faculté d'agriculture de Moshtohor Touk Kaloubia en Égypte. Il est intéressant de citer cet article, bien que la grammaire soit un peu bizarre. Je cite. Les Soviets ont manufacturé, ou même importé, les ordinateurs avancés et les ont remplis avec des données psychiques précises basées sur leurs études de l'anatomie et de la biologie du corps humain et de leurs études sur l'anatomie, la chimie et l'électricité du cerveau humain. Ces ordinateurs ont été remplis aussi avec les différents langages et leurs significations. les dialectes des peuples ont été entrés à partir de satellites. Les soviets ont commencé à nourrir les ordinateurs de programmes objectifs. Fin de la citation. Je cite à nouveau. Il semble que les soviets aient eu recours à la méthode suicidaire dans la société humaine en allouant un rayon électronique pour plusieurs personnes dans de différentes sociétés. De tels rayons sont activés par la mémoire des ordinateurs qui contiennent beaucoup de données sur les êtres humains et leur langage. Ces rayons s'entrelacent et s'entremêlent avec la pensée naturelle pour former une pensée diffuse artificielle. À travers de tels moyens férocement anti-humanitaires, les groupes extrémistes sont fabriqués. Les troubles et les désordres sanglants sont provoqués par des télémoyens avancés via satellite dans plusieurs pays de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique latine. Fin de la citation. L'éditeur de la rubrique dans laquelle l'article fut publié déclarait même, je cite, « Nous pensons que ce sont des points trop importants pour les ignorer. » Fin de la citation. Je pense que c'est une façon conservatrice de le dire. Une possibilité déroutante, étant donné l'information que nous avons en main, et que les individus impliqués dans cette opération gigantesque de contrôle de la pensée puissent être eux-mêmes programmés et ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Le nouveau champ de bataille mentale. Dans l'édition de décembre 1980 du journal Military Review de l'armée américaine, un article du lieutenant-colonel John B. Alexander, intitulé « Le nouveau champ de bataille mentale, Beam Me Up, Spock », apportait de nouveaux détails concernant les capacités techniques présentement disponibles aux contrôleurs. Il écrit, je cite, plusieurs exemples vont démontrer les domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis. Le transfert d'énergie d'un organisme à un autre. La possibilité de guérir ou de causer des maladies peut être transmise à distance, causant ainsi des maladies ou la mort sans cause apparente. Des modifications télépathiques de comportement, qui incluent la possibilité de provoquer des états hypnotiques à des distances de plus de 1000 km ont été rapportées. L'utilisation de l'hypnose télépathique détient aussi un important potentiel. Cette possibilité pourrait permettre aux agents d'être profondément placés sans la conscience de leur programme. En termes cinématographiques, le candidat Manchu vit et n'a même pas besoin d'un appel téléphonique. D'autres techniques d'influence de l'esprit à esprit sont considérées. Si elle est perfectionnée, cette capacité pourrait permettre le transfert direct de la pensée via la télépathie d'un esprit ou groupe d'esprits à un public cible choisi. Le facteur intéressant est que le récepteur ne sera pas conscient du fait que des pensées lui sont implantées d'une source externe. Il ou elle pensera que ses pensées lui sont propres. Fin de la citation. S'il est possible de communiquer des pensées artificielles dans le champ morphogénique via satellite, alors le contrôle de la pensée de la planète entière est possible. la seule résistance d'un individu serait alors de constamment remettre en question la motivation derrière ses pensées et de ne pas agir sur des pensées qu'il considère être à l'extérieur des limites de leurs propres principes éthiques et moraux. Encore une fois, il est sage de considérer comment la télévision, la publicité et les diverses formes de pression sociale sont constamment utilisées pour manipuler ces limites. Un ordre dont on peut se passer. La technologie de contrôle de la pensée est une réalité. Certaines techniques sont utilisées secrètement sur des particuliers et d'autres sont utilisées ouvertement sur la planète au complet. Allez seulement allumer la télévision. Voilà la plus efficace d'entre toutes. Et pendant qu'on secoue la tête, incrédule, devant les horreurs qu'on nous montre aux nouvelles, n'oubliez pas ces vieux principes. Feedback, renforcement, conditionnement. En vous lamentant. Pourquoi ces gens font-ils toutes ces choses horribles? Il serait raisonnable de considérer que ces gens reçoivent plus qu'un petit coup de pouce de la part de nos Big Brother. Après tout, à moins que l'ancien ordre mondial devienne le pire ordre qui soit, pourquoi en voudrions-nous un nouveau? Je vous laisse avec cette dernière citation. Elle fut dite par Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller en sécurité nationale de Jimmy Carter, dans son livre « La société technotronique », qui est presque un texte biblique pour les proposants du nouvel ordre mondial. Brzezinski, le fondateur de la tristement célèbre commission trilatérale, a joué un rôle clé dans la campagne électorale de 1988 de George Bush en tant que conseiller en politique étrangère. Ça semble un peu bizarre pour un ancien conseiller en sécurité nationale démocrate, non ? Et est un infatigable promoteur d'une philosophie de gouvernement unique, nouvel ordre mondial. Je cite. Dans la société technotronique, la tendance semblerait aller vers le rassemblement du support individuel des citoyens non coordonnés, facilement à la portée d'individus aux personnalités magnétiques et attirantes, exploitant efficacement les dernières techniques de communication pour manipuler les émotions et contrôler la raison. Fin de la citation. Minuit moins une. Comme le lieutenant-colonel Alexander l'a dit dans le sommaire de son article du Military Review, je cite, « L'information présentée ici sera considérée par certains comme ridicule parce qu'elle ne se conforme pas à leur vision de la réalité. Mais certaines personnes croient encore que la Terre est plate. » Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie des références bibliographiques fournies par Serge Monast en lien avec la thématique du contrôle de l'esprit. Les services secrets des vaccins. La raison d'un tel titre, les services secrets des vaccins, est due, en grande partie, aux difficultés sans bornes que j'ai dû affronter pour n'obtenir, en fin de compte, que très peu d'informations concernant d'une part la compagnie qui avait fabriqué le vaccin contre la méningite, qui avait servi à vacciner une très grande partie du Québec vers la fin 92, et d'autre part, le climat de paranoïa auquel je me suis heurtée en essayant d'obtenir de l'information sur le contenu même du vaccin. À la suite d'une très longue série de téléphones, en octobre 1993, je finis par obtenir le nom de la compagnie s'étant personnellement occupée de ce vaccin. La Connaught Laboratories, située à Willowdale, en Ontario. Par après, j'ai communiqué avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de pouvoir obtenir de plus amples informations concernant le climat dans lequel avait été décidée une vaccination aussi importante. Car il faut bien l'avouer, les rapports reçus des États-Unis en rapport avec les différentes expérimentations médicales et autres pour parvenir à contrôler politiquement les populations, me faisait craindre le pire quant au contenu du vaccin administré à l'ensemble de la jeunesse québécoise. Et la lettre reçue du ministère et le silence de ce dernier à plusieurs de mes questions ne faisaient que renforcer ce sentiment chez moi. La lettre, publiée intégralement, rapporte qu'un groupe spécialiste fut directement responsable de la décision du ministère d'aller de l'avant avec la campagne de vaccination. Pourtant, lors d'une conversation téléphonique avec la responsable au ministère, il ne me fut jamais possible ni de savoir qui était à la tête de ce groupe, ni qui composait ce groupe, ni encore de connaître les résultats sur lesquels ce groupe se basa pour conseiller le ministère de faire vacciner presque tout le monde à l'époque. Ce qui, là encore, était loin de me rassurer. En outre, ma question, à savoir que la supposée épidémie avait commencé dans la région de Hull, mais n'avait pas traversé le pont pour aboutir en Ontario, me valla une réaction presque violente où il me fut conseillé de m'informer directement au ministère de la Santé de l'Ontario à ce sujet. En bout de ligne, on me fit clairement entendre que la conversation avait déjà assez duré. Ce fut donc à la suite de ce téléphone que je communiquais directement avec la salle des nouvelles de Radio-Canada où je pus m'entretenir avec Martine Turcotte. Cela se passa en date du 16 novembre 1993. Après l'avoir eu informé à propos de mes difficultés à obtenir de l'information adéquate sur ce qui s'était réellement passé en 1992 au sujet du vaccin, et l'avoir entretenu sur les informations que je possédais au sujet des cristaux liquides pouvant être séparés et administrée en deux vaccins distincts, elle me dit de recommuniquer avec elle le lendemain. Lors de l'autre entretien téléphonique, elle dut m'avouer qu'aucun, mais là absolument aucun journaliste à l'époque, n'avait fait d'enquête dans le but de connaître les résultats des analyses produites par le groupe spécialiste qui conseilla le ministère d'aller de l'avant avec la vaccination contre la méningite. Elle précisa que les journalistes s'étaient tout simplement satisfaits du communiqué de presse, si inclus plus loin, que le ministère avait fait parvenir à la presse. Quant aux cristaux liquides, elle ne possédait aucune information à ce sujet, mais elle me fit part qu'une rumeur était véhiculée à la salle des nouvelles, comme quoi il était question d'une autre campagne de vaccination, et que certains craignaient les réactions secondaires dues à la combinaison des deux vaccins en question. D'un autre côté, je fais ici une parenthèse pour indiquer que mes différents contacts avec la Connaught Laboratories pour obtenir des informations publiques à son sujet se solvèrent par une méfiance difficilement compréhensible. Entre-temps, par le biais de Statistique Canada et de leur publication « Lien de parenté entre les compagnies », j'avais appris qui, au juste, détenait les parts de la Connaught Laboratories. Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie de l'extrait de la publication de Statistique Canada que Serge Monast nous fournit et qui met en lumière les actionnaires de ces mystérieux laboratoires Connaught. Si l'on regarde du côté des codes, 763 indique fonds d'investissement gouvernementaux. 869 indique autres services extérieurs des compagnies. 864 indique services techniques. 727 indique société pour le financement des entreprises. 756 indique société d'investissement et de gestion. 374 indique manufacturier de produits médicaux et pharmaceutiques. 793 indique agence de développement immobilier. L'on est frappé par les pourcentages d'appartenance avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, par la même CDC Life, à qui est redevable la Connaught Laboratories. À la même époque, je communiquais avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie du Québec, Direction générale de Montréal, qui ne put que me communiquer peu d'informations et me référa à l'inspecteur des institutions financières du Canada. Ce dernier, de son côté, me fit part que les compagnies mentionnées, n'étant supposément pas régies par leur bureau, n'étaient par conséquent pas listées. Alors, mais à qui donc ces mêmes compagnies paient-elles leurs impôts ? Donc, d'un fonctionnaire à l'autre, au fil des fax, des téléphones, des jours, ça doit être ça la démocratie. Avoir la liberté de perdre une partie de sa vie à chercher des informations publiques. Je finis par me faire diriger vers l'ordinateur, le service de recherche fédérale Radar, Industrie, Sciences et Technologies, Ottawa. Les fonctionnaires y travaillant ne voulurent jamais me donner une réponse par fax, mais me firent savoir qu'ils ne possédaient absolument aucune information concernant les compagnies mentionnées à la page 41. À la fin, presque à bout de souffle et surtout découragée de voir que la pratique de la démocratie exigeait autant de temps, d'énergie et de dépenses, j'aboutis au CRIC, Centre de recherche industrielle du Québec, et au bureau de l'inspecteur des institutions financières du Québec, qui, à mon étonnement, me fournirent plusieurs des informations que je désirais. Mais quant à savoir les liens militaires possibles entre la Connaught Laboratories et l'Institut Mérieux, autre compagnie ayant aussi fourni un vaccin contre la méningite, les liens existant aussi avec la CIA et le Centre de recherche médicale militaire des États-Unis, alors cela était une autre paire de manches. Manipulation politique de la vaccination. La population n'est pas informée adéquatement. la population est à la merci de décisions gouvernementales non vérifiées. La population est à la merci des monopoles pharmaceutiques dont les vaches à lait sont les centres hospitaliers, les CLSC, et les centres et les foyers d'accueil. À leur tour, les vaches à lait de ces centres de la santé sont les personnes âgées, consommateurs soumis aux prescriptions de tout genre, et les jeunes enfants, les champions consommateurs des vaccins. Par conséquent, la population du Québec est en danger. Ce qui vient renforcer, voire même confirmer ces assertions, c'est l'analyse du contexte politique prévalant lors de la campagne d'immunisation systématique de la population québécoise. Et à ce propos, les contradictions et les incohérences qui en ont fait partie sont légion. Par exemple, pourquoi la décision concernant la dernière campagne de vaccination massive au Québec contre la méningite fut-elle avant tout une décision politique et non plutôt une décision médicale? Depuis quand est-ce que les politiciens se font-ils passer pour des spécialistes des questions médicales? D'ailleurs, cette question était commune à l'ensemble des médecins au lendemain de cette décision gouvernementale d'aller de l'avant avec une campagne de vaccination massive contre la méningite. En d'autres mots, cela signifie que la majeure partie des médecins du Québec étaient contre une telle campagne de vaccination décidée par des fonctionnaires gouvernementaux et au profit de monopoles pharmaceutiques. En outre, le docteur Christiane Laberge ne se gêna aucunement pour dire, dans un article paru, que sa fille de 5 ans courait autant de risques d'attraper la méningite que de se faire un jour frapper par un train. Combien de personnes risquent un jour, au cours de leur vie, d'être frappées par un train? Voici un court extrait d'un document du gouvernement du Québec, ministère de la Santé. Je cite. Le docteur Gilles Delage y suggère qu'il est contre-indiqué de vacciner les enfants en bas âge, 6 mois et moins, parce que cela représente une réduction appréciable de tolérance immunitaire suivant la vaccination chez ces jeunes enfants. Fin de la citation. À cela, le gouvernement répondit, je cite, « Nous aimerions obtenir plus de précisions concernant ce phénomène. Quelle serait au juste la durée de cette réduction? Et le médecin, surtout au niveau privé, doit-il être mis au courant d'une telle contre-réduction ?» Fin de la citation. Et plus loin, dans le même document gouvernemental, on retrouve ceci. Je cite. Y a-t-il diminution transitoire de l'immunité suivant la vaccination chez les enfants âgés de 6 à 24 mois? Quel serait le risque associé à une telle diminution? Serait-il nécessaire d'avertir les parents et les vaccinateurs d'un tel risque? Fin de la citation. Ici, on se retrouve véritablement face à un phénomène de démence semblant être motivé par des intérêts particuliers et non pour la protection de la population. Pourquoi? Parce que tout simplement, il existe plus d'une étude scientifique dans les milieux médicaux internationaux prouvant, hors de tout doute, que la vaccination des enfants âgés de moins de 2 ans est non seulement très dangereuse pour ces mêmes enfants, mais encore celles-ci attaquent directement le système immunitaire de ces mêmes enfants. Ces études furent publiées et commentées dans le passé dans plusieurs journaux médicaux de différents pays. Alors ici, dans le cas de décision prise par le gouvernement du Québec en faveur d'une campagne de vaccination massive et du jeu du chat et de la souris pratiqué par ce même gouvernement en vue de détruire les arguments des opposants à une telle campagne, on est en droit de se demander quels étaient les intérêts que le gouvernement cherchait à protéger dans une telle campagne de vaccination. D'autant que ce même gouvernement favorisa un groupe particulier de supposés spécialistes pour le conseiller au détriment et à l'encontre de l'opinion de l'ensemble des médecins du Québec. Et que le gouvernement se demande si oui ou non il doit informer les parents et les vaccinateurs de tels risques démontre bien, encore une fois, que celui-ci semblait beaucoup plus préoccupé à protéger des intérêts qui ne semblaient en aucune manière être ceux de la population visée par cette vaccination massive. Ce qui vient renforcer cet argument, ce fut le rejet catégorique qu'opposa le gouvernement aux spécialistes du monde médical qui firent connaître leurs préoccupations légitimes dans un article publié par le Journal de la presse du mardi 4 février 1992 que l'on retrouve plus loin aux pages 51-52. Le choc en est d'autant plus brutal que ces spécialistes, non répertoriés par le gouvernement, déclarent entre autres, je cite, l'expérience mondiale dans l'utilisation de ce vaccin est relativement limitée. Le vaccin ne protège pas contre tous les sérogroupes de méningocoques impliqués dans les infections invasives. La protection conférée par le vaccin anti-méningocoquique est de courte durée. Il n'est pas recommandé de procéder à une vaccination systématique de la population. Ceci est l'opinion unanime des autorités de santé publique au Canada et aux États-Unis. Le réseau de santé publique a décidé d'intervenir à un niveau qui est considéré en dessous des seuils d'intervention utilisés par beaucoup d'autorités. Fin de la citation. Ceci est assez clair. Le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec une campagne massive de vaccination, et cela à l'encontre même des avis de différents spécialistes du monde médical au Québec et à l'étranger. Pourquoi ? Par ailleurs, les documents répertoriés aux pages 53-60 démontrent bien, à leur tour, que la nécessité d'une telle vaccination est très loin d'être démontrée, mais encore que seul le gouvernement semble y être fortement favorable. Page 53-54, lettre ministère de la Santé et des Services sociaux. Et quant au document répertorié à la page 60, celui-ci fait ressortir que l'efficacité du vaccin pour le groupe d'âge de 6 mois à 2 ans n'est pas démontrée de façon précise. Alors, encore une fois, qui le gouvernement cherchait-il à beurrer au juste? Et quels sont exactement les intérêts qui étaient largement favorisés par une telle vaccination? Et la liste des contradictions est très loin d'être terminée. Lors de l'annonce officielle de la vaccination massive au Québec, plusieurs médecins s'y sont fortement objectés. Mais la décision relevait du gouvernement. Et la vaccination bon gré mal gré, fut dès lors prise en charge par le personnel infirmier. Les médecins n'ont même pas été consultés et ont même été mis à l'écart de plusieurs CLSC, surtout lorsqu'ils commencèrent à s'objecter sur la nécessité d'une telle vaccination de masse. Plusieurs publièrent même leur désaccord dans des journaux, mais cela reçut l'ordre de se taire de la part de leur corporation. D'ailleurs, les CLSC, pour ceux qui ne le savent pas, sont des prolongements de l'univers, très fonctionnarisme du gouvernement. En d'autres mots, ceci veut dire que les CLSC n'ont pas à cœur, en premier lieu, votre santé ou votre bien, mais plutôt la stabilité du pouvoir politique gouvernemental. Tant les CLSC que les centres et les foyers d'accueil, les centres de services sociaux et réseaux officiels des familles d'accueil, sont des filiales de renseignement gouvernemental pour la stabilité du pouvoir politique en place. Par le biais de ces organismes gouvernementaux, présentés comme étant des centres d'aide à la population, on fiche en détail chaque individu sur les moindres recoins de sa vie privée, le tout étant par la suite informatisé dans les ordinateurs du gouvernement. À ce sujet, il n'y a qu'à se reporter au document de la page 61, démontrant le rôle qu'avaient et que devaient jouer les CLSC lors de la campagne de vaccination massive. Le contenu de cette lettre directive parle de lui-même. Saviez-vous qu'aucune loi n'oblige qui que ce soit à se faire vacciner? Pourtant, la plupart des établissements de santé affirmaient à la population que la vaccination était obligatoire, même que des pressions faites sur des patients qui refusaient d'être vaccinés furent rapportées par plus d'un. En outre, plusieurs personnes me rapportèrent personnellement les combats qu'ils durent mener contre des institutions scolaires parce qu'ils étaient contre la vaccination. Autre contradiction frappante. Des rapports officiels du gouvernement, Direction de la protection de la santé publique, datés du 21 décembre 1992, affirmèrent que sur les 300 000 doses administrées au Québec, aucune réaction grave entraînant des séquelles n'avait été rapportée. Pourtant, deux questions se posent ici. Un document officiel du gouvernement fédéral, rapport d'incidents adverses reliés à l'administration d'un vaccin, plus loin, page 62, fut confidentiellement envoyé aux différents centres de vaccination et énumère chacune des conséquences pouvant résulter de l'administration du vaccin. De plus, en désaccord avec la note gouvernementale du 21 décembre 1992, deux documents hospitaliers se référant au même cas font clairement ressortir des conséquences directes reliées à la campagne de vaccination massive contre la méningite, page 63-64. Et ce cas, comme l'a fait remarquer une professionnelle des milieux de la santé, est l'un des 400 cas tenu confidentiel par les autorités au Québec. Autre fait notoire. Comment se fait-il que des enfants de certaines régions au Québec furent vaccinés avec un type de vaccin différent que recevaient des enfants d'autres régions dans la même période? Un grand nombre d'infirmières et de médecins se sont demandé, à juste titre, par rapport à cette vaccination, comment il se faisait qu'un protocole particulier était rendu nécessaire pour l'administrer. Elles étaient d'autant plus en droit de se poser une telle question que leur formation les avait déjà préparées à administrer des vaccins. Alors, pourquoi un protocole spécial ? Ce protocole était d'ailleurs prévu par le gouvernement pour cette injection spécifique. On retrouve l'ensemble de ce protocole plus loin, aux pages 65-98. Par ailleurs, fait des plus inusités, la manière, dans certains cas, et pour un vaccin en particulier, qu'il fallait incliner la seringue avec un angle particulier pour injecter ce vaccin spécial. De plus, la pression très forte qu'il fallait appliquer pendant plusieurs secondes à l'endroit même où l'injection avait lieu. Et par la suite, l'aiguille de la seringue qu'il fallait retirer très rapidement. Ce fait, rattaché au protocole spécial, est d'autant plus étrange dans l'administration d'un vaccin contre la méningite qu'il ressemble en tout point à la manière que doit être injecté un implant électronique servant à l'identification personnelle et fabriqué, entre autres, par la Texas Instruments. La méthode est aussi semblable à celle utilisée pour l'injection de cristaux liquides afin d'empêcher leur retour dans la seringue. Attention, nous n'affirmons aucunement que cela fut le cas lors de l'injection de ce vaccin à protocole spécial. Mais nous ne pouvons aucunement passer sous silence la ressemblance frappante existant entre ce protocole et celui utilisé dans le cadre de l'injection d'implants électroniques devant servir à l'identification des sujets injectés, mais encore à leur repérage par satellite, ainsi qu'au contrôle direct de l'individu pour des fins politiques. Ce protocole, sur l'angle à utiliser lors de l'injection de ce vaccin, est démontré aux pages 84-85 du présent document. Selon Terry L. Cook, journaliste chrétien d'investigation sur la côte ouest américaine, celui-ci se référant à Tim Willard, éditeur du magazine Future Society, la technologie cachée derrière le nouveau microchip humain n'est pas très compliquée et avec un peu de raffinement, pourrait être utilisée dans une large variété d'applications humaines. D'une manière plus que concevable, un numéro pourrait être assigné à chacun dès la naissance et faire partie intégrante de la vie de celui-ci jusqu'à sa mort. Vraisemblablement, cette puce électronique pourrait être implantée sur le revers de la main et celle-ci pourrait servir de carte d'identification universelle, ce qui remplacerait les cartes de crédit, les passeports, les permis de conduire. Au supermarché, il ne suffirait que de passer le poignet au-dessus d'un scanner pour effectuer ainsi un débit direct sur votre compte bancaire. D'ailleurs, en ce moment même, en 1993, une compagnie américaine, la Destron IDI du Colorado, fabrique et annonce ses puces électroniques d'identification, entre parenthèses ID chips, globalement via Infopet et d'autres distributeurs nationaux et internationaux. Ces puces, pour l'instant, sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs, les chiens et les chats, les oiseaux et les poissons, et tout produit manufacturé. Actuellement, ce nouveau système se répand à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. Aujourd'hui, le numéro d'assurance sociale se compose d'une série de 9 chiffres. Selon d'autres informations reçues, ce système sera bientôt remplacé, avec l'aide des nouveaux ordinateurs, par une série internationale de 18 chiffres numériques, le Mesh Block, une configuration internationale qui permettra de retracer n'importe qui sur la planète. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire 3 séries de 6 chiffres chacun, soit 6, 6, 6. Au moment où vous lisez ces lignes, ces implants de puces électroniques, aussi appelés transpondeurs, sont partout répandus sur la planète pour le contrôle de l'industrie animale. Tous ces faits, et plusieurs autres, que nous pourrions rapporter ici, font clairement ressortir que les médias d'information furent manipulés par le gouvernement lors de la campagne de vaccination massive contre la méningite. Que le journalisme d'enquête au Québec est absent. Que la pratique journalistique au Québec est conçue de manière étroite et très régionale, ce qui a comme conséquence de favoriser un journalisme à sensation au détriment d'un journalisme professionnel existant pour protéger les intérêts de la population. Que le gouvernement a imposé de force une vaccination massive avec laquelle l'ensemble du monde médical était en désaccord. Que le gouvernement n'a pas tenu compte des recommandations de spécialistes afin d'éviter des réactions secondaires violentes chez les enfants vaccinés de moins de 2 ans. Que le gouvernement s'est refusé à informer adéquatement la population des conséquences secondaires rattachées à ce vaccin et au vaccin en général. Que le gouvernement s'est conduit de manière délinquante et tout à fait dangereuse en refusant de suivre les avis des experts dans le domaine de la santé et de surseoir ainsi à une telle vaccination massive. Que le gouvernement, par ses contradictions évidentes dans toute cette affaire, a miné sa propre crédibilité dans la population. Que le gouvernement, par ses mêmes contradictions, semble avoir protégé des intérêts étrangers au bien-être de sa propre population dont il a le mandat de protéger. La connaissance des nouvelles technologies rattachées tant aux cristaux liquides qu'aux implants d'identification semble tout à fait absente des milieux de la santé du Québec, ce qui met en danger la population et ce qui, dans plusieurs cas, peut fausser plusieurs diagnostics dans les domaines de la médecine psychiatrique, de la médecine légale, ainsi que d'autres champs de la pratique médicale en général. Les monopoles pharmaceutiques semblent avoir préséance au Québec, cela n'est pas différent ailleurs, sur le pouvoir politique et sur le bien-être de la population. À cause de ces monopoles, les médecins, les infirmiers, les infirmières et le personnel rattaché au monde de la santé ne représentent plus que de simples fonctionnaires, que des automates devant se restreindre à remplir des prescriptions et des traitements de soins, en sachant que dans la plupart des cas, ceux-ci sont inefficaces. Ce même personnel médical est voué, à plus ou moins long terme, à ne devoir appliquer que ce qui est prescrit par les centres de recherche, financés par les monopoles pharmaceutiques, et cela, contre leur propre conscience professionnelle. Ce qui aura pour résultat d'entraîner la mort définitive de la pratique médicale devant exister pour soulager et développer une autonomie chez les patients. Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie des documents preuves contenus dans le livre à ce moment du livre concernant la vaccination contre la méningite au Québec. Recherche sur Connaught et Mérieux. Les documents suivants, pages 99 à 120, font ressortir les recherches longues et fastidieuses produites pour situer Connaught Laboratories et Institut Mérieux, les deux compagnies ayant fourni les vaccins contre la méningite au Québec en 1992. Malgré toutes ces recherches, très peu de résultats furent obtenus, au point de se demander si ces compagnies sont d'ordre public ou si encore elles font partie de projets gouvernementaux secrets. Les pages 110 à 114, pour leur part, mettent en évidence l'existence de chercheurs sur les cristaux liquides. Fait notoire, à la page 111, le professeur Edward Gullerinter, ayant fait des recherches en rapport avec les cristaux liquides et les antibiotiques et les stérols, entre parenthèses, alcool polycyclique dans le groupe duquel se trouve le cholestérol, les vitamines B et les stéroïdes, fut contacté par moi le 2 mai 1994, affirmant que ce type de recherche avait, selon ses propos, dont je doute, été abandonné au milieu des années 70. Il me fournit tout de même la preuve, par sa réponse, qu'il y avait bien eu des recherches semblables. Reste à savoir, maintenant, par qui et à quel endroit de telles recherches impliquant des manipulations biologiques furent poursuivies jusqu'au développement actuel de l'injection de cristaux liquides et dans le flux sanguin et dans les tissus musculaires. Quoi qu'il en soit, l'enquête est toujours ouverte et des résultats à ce sujet seront disponibles et rendus publics sous peu. Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie des documents preuves contenus dans le livre de Serge Monaste, présenté à ce moment précis du livre, illustrant le résultat de son enquête au sujet des compagnies pharmaceutiques produisant le vaccin contre la méningite.